Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici tout de suite les grands titres de ce journal. La première phase de construction du chemin de fer devant relier la Tanzanie à la République démocratique du Congo en passant par le Burundi, c'est-à-dire le tronçon Uvinza-Musongati, sera exécutée par deux firmes chinoises et cela pendant 6 ans. Certains agriculteurs de Gitega se plaignent de manquer d'engrais chimiques alors que la période de semis du haricot touche presque à sa fin. Et la représentante du HCR au Burundi constate que c'est la première fois depuis les années 2000 que le Burundi accueille un grand nombre de réfugiés en moins d'une semaine et appelle tous les partenaires à l'accompagner en apportant des réponses aux besoins de ces personnes. Voilà pour la sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Grogne de certains agriculteurs de Gitega qui n'ont pas encore eu d'engrais chimiques alors que la période de semis du haricot touche de plus en plus à sa fin. Ils demandent alors qu'ils soient vite servis du moment qu'ils ont déjà payé les frais exigés. Ils proposent aussi que ces fertilisants soient distribués équitablement et qu'ils soient vendus comme d'autres produits. De son côté, le directeur du bureau provincial en charge de l'agriculture à Gitega dit que la distribution des engrais chimiques se déroule normalement et se poursuivra même la semaine prochaine. Gérard Niwigira. Les agriculteurs rencontrés au point de distribution des engrais chimiques situé à l'endroit appelé communément Kumasanganzile en commune et province de Gitega et qui attendaient d'être servis en ce produit indiquent que certains parmi eux viennent de passer 4 jours et plus sans être servis. Et comme ils n'ont pas encore eu ces engrais alors que la période de semis du haricot tend à prendre fin, ils ont peur que les précipitations de la saison culturelle B risqueraient de se terminer avant la maturité du haricot qui sera bientôt planté. Ainsi donc, ils demandent qu'il soit servi en engrais chimiques cette semaine ou au moins la semaine prochaine, surtout qu'ils ont déjà payé et que l'argent payé ne peut pas leur être remis pour qu'ils achètent au moins les engrais chimiques chers au marché noir. En outre, ils demandent que quand les engrais chimiques arrivent, ils soient équitablement distribués au lieu que les plus nantis obtiennent plusieurs quantités allant jusqu'à 50 sacs par individu au moment où les moins nantis manque n'offisquer 10 kg, d'où alors il propose que même les moins nantis obtiennent leur petite quantité d'engrais chimiques. En plus de cela, il voudrait que, pour éviter des va-et-vient inutiles de la population qui n'obtient pas des engrais chimiques, les responsables du secteur de fertilisants songent à annoncer aux agriculteurs les jours pendant lesquels les engrais chimiques sont disponibles et à établir le calendrier de leur distribution selon les zones et collines. Il termine en proposant que les engrais chimiques soient vendus comme d'autres produits, l'État ne faisant que fixer les prix officiels pour que les agriculteurs s'en approvisionnent à leur volonté et soient mis fin à la perte de plusieurs jours de recherche des engrais chimiques en vain. De son côté, le directeur du bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage à Gitega, Oscar Wikunze, précise que la distribution des engrais chimiques se déroule bien dans toute la province et que cette activité se poursuivra même la semaine prochaine. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard. C'est la première fois depuis les années 2000 que le Burundi accueille un grand nombre de réfugiés en moins d'une semaine. Et ces réfugiés congolais enregistrés jusque mercredi se comptent à plus de 30 000 personnes composées de plus de 6 000 familles, a indiqué ce mercredi la représentante du HCR au Burundi au cours d'une réunion des intervenants en matière de gestion des réfugiés. Mkanga Brigitte Eno a appelé tous les partenaires à accompagner son organisation en apportant des réponses aux besoins de ces personnes. On l'écoute. Merci au gouvernement du Burundi pour sa politique de porte ouverte à l'égard des personnes qui sont en train de fuir la crise à l'est de la RDC, notamment ceux qui viennent des provinces de Nord Kivu et Sud Kivu et qui sont en train de venir ici au Burundi pour demander la protection. Au cours des derniers jours et semaines, nous avons reçu des milliers de personnes ici au Burundi, et actuellement nous estimons à plus de 6000 familles de 30 000 personnes. C'est la plus grande crise de réfugiés que le Burundi connaisse depuis le début des années 2000. Et cela requiert notre participation, notre contribution à tous pour appuyer ces populations qui sont en train de fuir la guerre à l'est du Congo. À travers Actuellement, il y a plusieurs points. Il y a ceux qui sont au centre de Kihanga, mais également, le plus grand nombre se trouve actuellement du côté de Rugombo. Et nous appelons tous nos partenaires qui sont ici présents, toutes les agences des Nations Unies. Et bien sûr, nous ne pouvons rien faire sans nos partenaires au développement, les partenaires du Burundi en matière de coopération, pour nous accompagner dans la réponse aux besoins des réfugiés qui sont en train d'affluer au Burundi. Ces chiffres sont tout à fait temporaires pour le moment parce que malheureusement, les gens continuent d'arriver, de traverser par milliers chaque jour du côté de Uvira comme de la rivière Ruzizi à Rugombo. Les besoins sont énormes et nous comptons sur la contribution de tout le monde. C'était la représentante du HCR au Burundi, Mkanga Brigitte Eno. Les marchés et les galeries de la mairie de Bujumbura devraient avoir des passages de camions extincteurs et des caméras de surveillance. C'est une des recommandations formulées lors d'une réunion tenue ce jeudi soir par le maire de la ville de Bujumbura à l'endroit des commerçants. C'était pour échanger sur les stratégies de lutte contre les incendies des marchés. Jimmy Hatungimana les appelle aussi à faire assurer leurs marchandises pour qu'ils puissent bénéficier des indemnisations en cas de sinistre. Suivez Jimmy Hatungimana, traduit par Alexis Ndaiseng. Twumvikanye yuko amasoko yose canke amagaleri ko twa dufise ama Nous nous sommes convenus que les galeries et les marchés doivent être équipés d'extincteurs des incendies. En plus, les camions anti-incendies doivent se déplacer facilement. Ce que je vous recommande encore, c'est de disponibiliser les caméras de surveillance pour pouvoir localiser l'origine de l'incendie. Nous nous sommes convenus encore que les marchés et les galeries doivent être gardé par des veilleurs avant que l'incendie s'étende. Nous organisons une descente sur le terrain dans tous les marchés pour vérifier si vous avez observé les consignes et le contrevenant qui sera identifié remettra les clés du marché automatiquement. Nous voulons résoudre le problème de la pénurie d'eau potable dans les marchés en faisant recours au forage. Vous devez faire assurer vos galeries. Nous ne donnerons jamais un contrat à une personne qui n'aura pas souscrit à une assurance. Le marché de Ruvumera dispose d'une seule allée où peut passer un camion extincteur. Les responsables de ce marché rassurent que malgré cela, ils sont prêts à lutter contre tout incendie qui pourrait survenir. Ceux qui fréquentent ce marché estiment que la mairie devrait envisager comment débrayer d'autres allées qui sont disponibles dans ce marché pour qu'il soit plus sécurisé. Le point avec Sheira Irambona. Ce marché de Lumela possède quatre entrées, mais les informations recueillies sur place révèlent que un seul sur les quatre allées a été disponibilisé pour qu'un camion anti-incendie y passe. Ce qui s'est remarqué, c'est que c'est difficile de passer par cet endroit en cas d'incendie et que ce serait très difficile pour les pompiers d'arriver à certains endroits au moment où c'est visible que sur les 2000 places construites dans ce marché, on y a ajouté d'autres stands. Au micro, les responsables de ce marché ont rassuré qu'ils sont prêts à lutter contre tout incendie qui pourrait survenir ou les extincteurs dont dispose ce marché, ils ont arrêté quelques stratégies comme le fait de couper le courant électrique à partir de 17h. Ils ont également fait savoir que le camion anti-incendie passe au moins une fois par mois pour vérifier qu'il peut passer à travers cette allée. Même si les responsables de ce marché se montrent rassurants, ceux qui le fréquentent indiquent que la mairie devrait envisager à mettre en place d'autres allées pour qu'ils soient rassurés. Cela dépend comment on envisageait de construire cette place. Tu peux ériger une maison et se rendre compte par après que tu as commis une erreur. Lorsqu'un incendie survient accidentellement, c'est difficile qu'on envisage comment créer ces allées. Ces personnes présentent cette doléance alors que dans une réunion tenue ce mercredi, le maire de la ville de Bujumbura a sommé les responsables des marchés de la ville à se procurer du kit anti-incendie et aussi à mettre en place dans leur marché des allées pour que les camions anti-incendie puissent y passer. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous l'avais dit dans les titres, la première phase de construction du chemin de fer devant relier la Tanzanie à la République démocratique du Congo en passant par le Burundi, c'est-à-dire le tronçon Uvinza-Musongati, sera exécutée par deux firmes chinoises pendant 6 ans. Selon le chef du projet de sa construction, ce chemin de fer aidera ces pays à renforcer leurs relations commerciales. Matibia Masanja l'a dit ce jeudi lors de la réunion d'information sur ce projet que les équipes techniques du Burundi et de la Tanzanie ont animé à l'endroit des services déconcentrés dans la province de Makamba, d'où nous appelons Élisée Kwizera. Le contrat de construction de cette première phase du projet du chemin de fer de Uvinza en Tanzanie, à Kindu, en République démocratique du Congo, passa par Musongati et Gitega au Burundi, a été signé le 29 janvier de cette année. Les firmes chinoises CRGC et CRDC, ayant remporté le marché, vont réaliser la construction de cette première phase de Uvinza à Musongati au Burundi pendant 72 mois, soit 6 ans, dont 5 de construction et une année de garantie. Le chef du projet de construction de cette phase, ingénieur Matibia Masanja, annonce qu'à travers ce chemin de fer, les relations entre le Burundi et la Tanzanie seront renforcées. De plus, il facilitera les déplacements et le commerce aux citoyens des deux pays, car les freins et le temps utilisés aujourd'hui seront réduits. De Musongati, au port de Dar es Salaam, il fait savoir que ce trajet durera autour de 8 heures. Les trains qui seront utilisés avec son chemin de fer seront alimentés en courant électrique. Le train pour les voyageurs mettra 160 km par l'heure et celui des bagages 120 km par l'heure. Le tronçon d'Uvinza à Musongati compte 240 km et sa construction va coûter 2,15 milliards de dollars. Cela a été dit ce jeudi dans une réunion de sensibilisation de son projet par des équipes techniques du Burundi et de la Tanzanie à l'endroit des services déconcentrés à Makamba. De Makamba, Élisée Kwizera, Radio Isanganiro. L'écriture de la langue maternelle laisse à désirer. À l'occasion de la Journée internationale de langue maternelle, certains habitants rencontrés par notre reporter en commune urbaine de Mukaza, en mairie de Bujumbura, indiquent qu'ils se soucient peu des fautes d'écriture du Kirundi. Cependant, ils affirment que de telles fautes commises à l'écrit comme à l'oral détériore la culture du Burundi. Ils interpellent l'Académie Rundi à jouer pleinement son rôle dans la régulation de cette langue. En reportage de Jean de Dieu, il a causé. Là où nous sommes passés à mairie de Bujumbura, le constat est que la majorité des écrits sont en français. Les quelques écrits en Kirundi portés à l'attention du public préoccupent peu les habitants qui se sont exprimés. Pour eux, l'attention est portée sur les autres préoccupations de la vie. Je ne m'intéresse pas à la langue sans dire que certains mots du Kirundi nous échappent. Sur la vie, me préoccupe. Tout simplement, il nous est difficile de suivre si on écrit bien ou mal le Kirundi. Toutefois, ils reconnaissent que les conséquences sont énormes, notamment la détérioration de la culture burundaise. Les mœurs et coutumes du pays se détériorent et la langue meurt ainsi. Quand les jeunes ne connaissent pas la langue, l'avenir devient incertain. Dans ces cas, ils ne reconnaissent pas alors les limites à franchir ou pas. Tous ces habitants interpellent l'Académie Rundi à jouer pleinement son rôle de régulation de la langue maternelle à l'oral comme à l'écrit. Il est nécessaire que l'Académie Rundi recherche les lexiques adéquats car il y a des mots que nous n'avons pas en Kirundi et dans ce cas, nous recourons aux faux emprunts. J'imagine que l'Académie Rundi suit de près l'évolution de la langue maternelle à l'écrit comme à l'oral. Ces appels sont lancés au moment où le 21 février de chaque année, le monde célèbre la journée internationale dédiée à la langue maternelle. La musique peut aider les jeunes ayant terminé les études universitaires à vivre. Témoignage de chanteurs du club Les Jumeaux Music qui ont préféré embrasser la carrière musicale après leurs études. Ils disent que grâce à ce métier, ils ont pu embaucher d'autres jeunes qui vivent actuellement grâce à ce métier. Ils exhortent d'autres jeunes qui ont terminé les études de ne pas croiser les bras, mais plutôt de s'impliquer dans les différents métiers. Reportage Jean-Marie Vianney Ngendakouma. Oya, oya, oya, rekanana bapapa, bapapa, uwa, oya. Ces jeunes sont Donatien Vanzishaka, alias Mr. Polite et Blaise Ndouayezu, connu sous le nom N. Blaise, fondateur du club Régiment Music. Ces jeunes évoluant dans le quartier nord de la ville de Bujumbura témoignent qu'ils ont préféré embrasser la carrière musicale après les études universitaires dans le but de se développer. L'idée de fonder l'orchestre Régiment Music de Burundi, nous étions à l'université du Burundi vers la fin de nos études où nous nous sommes rencontrés avec mon ami N. Blaise. Nous avons pris l'initiative de fonder ce club parce que on pensait ce qu'on va faire après nos études. On a pu choisir embrasser la carrière musicale parce que la carrière musicale c'est l'un des chemins que nous avons choisi comme le chemin qui va arriver loin. Il précise que pour le moment, ils peuvent subvenir aux besoins familiaux grâce à l'argent gagné à travers la musique. L'avantage est que maintenant, nous sommes en train de contribuer énormément au niveau du pays en réduisant le taux de chômage, en donnant du travail aux autres jeunes. L'avantage dans nos familles, c'est que nos familles vont très bien parce que comme nous procurons des revenus, tout ce qui est nécessaire pour entretenir une famille, nous en avons. L'avantage que nous avons trouvé dans notre métier de chanter, c'est que si je chante, je reçois de l'argent. Donc ça vient nous aider dans notre famille, donc dans notre entourage. Donc on vit très bien parce que la musique, c'est de l'art, c'est aussi du travail. On a pu avancer parce qu'au commencement, on avait qu'un seul kit. On n'avait rien. Mais maintenant, on vient avec tout le kit. Selon toujours ces chanteurs de la musique live, ils ont pu embaucher d'autres jeunes qui gagnent pour le moment leur vie grâce à la musique. Ils exhortent les autres jeunes qui ont terminé leurs études de ne pas croiser les bras, mais plutôt de mettre en valeur leurs talents. Il ne faut pas croiser les bras, il ne faut pas attendre, il faut être créatif. Comme conseil, il faut toujours se lancer dans les ICC, on peut y trouver avantage. Réveillez-vous, parce qu'on peut étudier, terminer les études. Disant que tu as terminé, mais les études ne se terminent pas. Si tu as fait les sciences et tu vois que les sciences ne donnent rien, il faut entamer les métiers. Donc, il faut chercher comment travailler d'autres côtés et multiplier aussi beaucoup de sources de revenus. Le club Régiment Music a démarré les activités en 2021 avec des chanteurs, mais pour le moment, ce club compte plus de 30 artistes. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.